Aussitôt rentré du concert, Amélie trouva le moyen de me faire sentir qu'elle désapprouvait l'emploi de ma journée. Elle aurait pu me le dire auparavant, mais elle nous avait laissé partir, Gertrude et moi, sans mot dire, selon son habitude de laisser faire et de se réserver ensuite le droit de blâmer. Du reste, elle ne me fit point précisément des reproches, mais son silence même était accusateur. Tu es fâché de ce que j'ai mené Gertrude au concert? Tu fais pour elle ce que tu n'aurais fait pour aucun des tiens. C'était donc toujours le même grief et le même refus de comprendre que l'on fête l'enfant qui revient, mais non point ceux qui sont demeurés, comme le montre la parabole. Il me peinait aussi de ne l'avoir tenir aucun compte de l'infirmité de Gertrude, qui ne pouvait espérer d'autre fête que celle-là. Ce qui me chagrinait davantage, c'est qu'Amélie eût osé dire cela devant Gertrude, car, bien que j'eusse pris ma femme à l'écart, elle avait élevé la voix, assez pour que Gertrude l'entendît. Je me sentais moins triste qu'indigné, et quelques instants plus tard, comme Amélie nous avait laissés, m'étant approché de Gertrude, je pris sa petite main frêle et la portant à mon visage. Tu vois, cette fois, je n'ai pas pleuré. Non, cette fois c'est mon tour, dit-elle, en s'efforçant de me sourire. Et son beau visage, qu'elle levait vers moi, je vis soudain qu'il était inondé de larmes.